Étant âgé de 666 ans, j'ai vu des choses incroyables et rencontré des personnages stupéfiants qui font maintenant partie de l'histoire. Quelques jours après une rencontre très intéressante en compagnie du docteur Pretorius et de son protégé, Victor Frankenstein, je m'étais rendu en Angleterre pour prendre un pot au Ten Bell Pub dans un quartier malfamé, celui de Whitechapel. En sortant du pub et en arpentant les rues poisseuses de ce quartier, je fis la rencontre de Jack l'Éventreur, un personnage pour le moins très particulier, mais aussi fort courtois, du moins avec les hommes. Je lui ai demandé pourquoi il sévissait de cette façon et si cruellement envers les prostituées. Jack m'a répondu ceci: « Comme nous tous, ici-bas, elles sont souillées, elles porteraient l'odeur de la pourriture humaine et je dois les purifier. » Et moi de lui répondre: « Mais voyons, monsieur l'éventreur, si vous vous sentez souillé, vous n'avez qu'à prendre une douche et tout sera réglé. » Il m'a regardé en souriant, comme si une révélation venait de lui apparaître, et me dit « Mais quelle bonne idée, docteur !» et disparut à jamais en gambadant joyeusement. J'ai appris plus tard que Jack, sous un autre nom, était devenu boucher et qu'il avait inventé le « Blood Sausage ». Voici réanimation. Et c'est bien pire parfois d'avoir un médecin, surtout lorsqu'il croit avoir réglé comme certains problèmes et qu'ils s'avèrent possiblement pires qu'ils étaient. Parce que le fameux Blood Sausage, il était fait avec qui? Priez pour ne pas y survivre, enfoiré. 'Cause fear is my fucking business. We are undead incorporated. 'Cause Pendragon said so. Go to hell.

t'aimes le punk, t'aimes le oi, t'aimes le ska, t'aimes le hardcore et t'aimes le psychobilly, eh bien écoute Ska et Punka tous les jeudis. Non, non, tous les vendredis. Entre 21h et 23h, sur les ondes de C'est Fou, la radio campus de Trois-Rivières. Avis de recherche. Toi. Rejoins l'équipe de C'est Fou pour partager tes passions à la population de la grande région Trois-Rivières. Pour information, c'estfou.ca. Suivant. Qu'est-ce qui te vaut cette présence en enfer, mon cher? Ah, je le savais que ça finirait mal, cette histoire-là. De quelle histoire tu parles? Écoute bien, j'étais à la barrique, pis là j'étais vraiment en train de me gâter. De la bière, des fromages, du pain, des chocolats, écoute, tout le kit. Quand tout à coup, pouf, me v'là en enfer. J'étais pourtant allé à la confesse dernièrement. T'es pas le seul de même. La barrique pis ses nombreuses bières, c'est aussi le fournisseur officiel ici. C'est-tu pas le paradis en enfer, ça? La barrique, 41-70, boulevard des Forges, voisin de la cage au sport. Vous êtes assez fou pour l'écouter. C'est fou, 89.1. Je vous souhaite pas la bienvenue en cette nouvelle édition de réanimation ce 25 mars de l'an de disgrâce 2014. Je suis Dr. Payne Pendragon et je serai avec vous jusqu'à 21h pour vous entretenir de propos métalliques, musique métal, mais de toute autre chose aussi qui pourrait m'apparaître être pertinente, ce qui n'est jamais le cas finalement. En ouverture de bloc, nous avons entendu les formations, ma foi, fort intéressantes qui sont des... Ah, Gustave, tu es de retour. Ah, Gustave, tu as retrouvé ton beau drap blanc qui revient de chez le teinturier. Attends, Gustave, il y a quelque chose dessus. Il y a une tache encore dessus. Ce n'est pas une tache. Qu'est-ce que c'est? Ah oui, c'est vrai. Allez, regardez comme il faut, là. Mais c'est une croix à l'envers, Gustave. Quoi? Tu veux avoir du black metal? Non. Gustave, sors de ma morgue immédiatement. Tu protestes? Je proteste encore plus que toi. Sors dehors! Moi, j'ai eu gain de cause. Gustave qui va avoir du black metal maintenant. Pff, on n'a plus les fantômes qu'on avait. Bref, nous avons eu avant la pause publicitaire une présentation, un premier bloc composé d'excellentes formations. À l'instant, Overkill et la pièce Ironbound, pièce titre de cet album qui est paru en 2010. Forbidden. Tiens, c'est une pièce que je dédie à mon ami The Hellborg Tower. Je sais que c'est un fan de Forbidden. La pièce étant Forbidden Evil, que l'on retrouve étrangement sur le même titre d'album qui est paru. L'album du même titre, devrais-je dire, qui est paru en 88 sur Combat, Gravedigger et Hammer of the Scots, que l'on retrouve sur l'album de 2010, soit The Clan Will Rise Again, sur l'étiquette Napalm. Et nous avions ouvert avec l'excellente formation Hell et la pièce Harbinger of Death, que l'on retrouve sur la dernière, je dirais deuxième parution, Curse and Chapter, qui est paru en 2013 sur Nuclear Blast. Formation L, qui est une formation qui est une formation britannique qui vient spécifiquement de Nottingham et qui est ressuscitée de ses cendres en 2008, 21 années après s'être éteinte, bien entendu, parce que le chanteur initial, eh bien, il n'était plus de ce monde, il ne pouvait plus reformer le band avec. Mais en 2008, ils ont reformé une formation avec un nouveau chanteur. Ils ont fait On sorti le premier album, finalement, complet de cette formation-là, qui devait sortir bien des années auparavant, bon, qui porte le titre de Human Remains et qui est paru en 2011. Et ce fut une grande révélation parce que côté heavy metal, je dirais, très théâtral, avec un certain déploiement, parce que je suis allé voir des clips de Hell sur scène et c'est assez spectaculaire, dois-je dire. Eh bien, c'était vraiment quelque chose qui a ramené, si on veut, pour plusieurs, dont moi, entre autres, un espèce d'engouement vers le heavy metal traditionnel, parce qu'ils font très bien les choses. Pardon, et en 2013, il ressortait Curse and Chapter. Il sortait une deuxième sortie, une deuxième parution qui est encore, d'ailleurs, Curse and Chapter. Je dis n'importe quoi ce soir, c'est horrible. Et pour le plus grand bonheur des amateurs de cette formation et du heavy, j'imagine, parce que c'est un excellent album aussi, qui a eu une excellente cote de la part de Sinistros et de la mienne aussi. Et elle deviendra, si ce n'est pas déjà fait, une grande figure emblématique de ce genre métallique. Ce soir, j'aurai des chroniques musicales et des chroniques cinématographiques comme à l'habitude pour vous. En fait, musicalement, cette semaine, j'ai un petit peu plus de trucs, pas énormément, là, parce que ça se bouscule pas à la porte pour les sorties, là. Mais j'ai des choses quand même relativement intéressantes, même découvertes qui sont, je dirais, étonnantes. Et au cinéma, ben, c'est la même chose. Donc, on y reviendra un petit peu plus tard ce soir. Aussi, avant que je l'oublie, je vais le faire tout de suite, tiens, parce que j'ai tellement de choses à vous parler ce soir et à vous entretenir que je risque de manquer à mon devoir de bon animateur, c'est-à-dire de vous rappeler que le 11 avril 2014, bien entendu, au Rock Café Le Stage, les formations On Earth, Hear My Words, All in Pain se produiront à 20h, au coût de 20$, c'est un spectacle pour tous et les portes ouvriront à 19h sur Rock Café Le Stage. Et je ne suis pas certain que ce soit une présentation Trois-Rivières Metal, de Norton Watch Tour, non, je peux pas vous dire. Ben, c'est pas grave. Si ça ne pas manqué tout de même, nous allons continuer musicalement cette fois-ci avec... Ben oui, on pourrait qualifier ça d'être dans le trashy metal, généralement parlant. Mais n'ayez crainte, les amateurs de death metal, il va en avoir en conclusion de l'émission. C'est certain, je ne pourrais passer outre. Dans ce prochain bloc, on va entendre des formations telles Hasfix, Body Farm, Skeleton Witch. Mais tout de suite, allons-y avec une très bonne formation qui a sorti un très bon dernier album. Il s'agit de Death Angel, mais c'est tiré de l'album The Heart of Dying, Throne the Wolves. Go! Jeudi 27 mars, 21h, le café-bar Le Zénob reçoit Carl-Éric Hudon. En formule trio, il viendra nous présenter principalement des pièces de son prochain album, Nous étions jeunes, qui verra le jour en avril 2014. Carl-Éric Hudon en spectacle ce mardi 27 mars à 21h au café-bar Le Zénob, 171 rue Bonaventure, Trois-Rivières. Quand tu parles, cut to the line, straight to desire. Vous avez aimé les 30 dernières secondes? Imaginez 3 heures! Les Pableurs assez fous, les jeudis de 15h à 18h, on rappelle les vendredis à 17h et les dimanches à midi. Génie en liberté, émission d'actualité et d'information, tous les mercredis à 14h. Écoutez, Mme Poitras, c'est pas facile de vous annoncer ça, j'ai une grosse nouvelle. Votre mari passera pas la nuit. Oh non! Pas mon mari! Non, il passera pas la nuit. À l'hôpital, vous pouvez y aller. Oh, désolé, c'est juste pour voir votre face, ça me laisse en pièce. C'est pas toujours le bon moment pour rire. Pour ça, il y a l'impro tous les lundis à la Chasse-Galerie. Lundi, le 31 mars, venez voir la demi-finale de la Luître, un combat épique qui promet. Comme d'habitude, 19h30, Chasse-Galerie, gratuit. Vous êtes dans la zone 89.1. C'est fou. Oh, Formation Les Pays-Bas et la pièce Cape Horn, que l'on retrouve sur l'album Death the Brutal Way, qui est paru en 2009 sur Century Media. Vous allez devoir m'excuser, j'ai la bouche pleine, j'avais un creux et je me suis trouvé un fémur bien gras, donc je ne peux m'empêcher d'en prendre quelques bouchées à l'occasion. C'est pas vrai, je mange pas de fémur. Que dit Tibia? Auparavant, nous avions Legion of the Damned, notre formation des Pays-Bas encore, et la pièce de Frozen Owls, qu'on retrouve sur la dernière parution en 2013, soit Revenus Plagues en 2014, excusez-moi. Revenus Plagues qui est paru sur l'étiquette Napalm Records, et nous avions encore une fois une formation des Pays-Bas, soit Body Farm, et la pièce de Frozen Owls, qui, elle, est parue sur l'album de Coming Scourge, qui est paru en 2013 sur Cyclone Empire. Nous avions une formation suédoise, soit Witchery, la pièce Tix, que l'on retrouve sur Don't Fear the Reaper, qui est paru en 2006 sur Century Media. Formation américaine, Skeleton Witch. The Evil Embrace, que l'on retrouve sur la dernière parution également, soit Serpent Unleashed, qui est paru en 2013 sur Prosthetics. C'est d'ailleurs un des albums de la formation Skeleton Witch qui me fait dire que enfin, ils ont quelque chose de bien en studio. Ben, quoique, live, comme je dis toujours, c'est excellent. Et nous avions ouvert avec Death and Joel et la pièce, je vous ai induit en erreur, c'était Spirit et non Troll the Wolves, que l'on retrouve sur The Heart of Dying, qui est paru en 2004 sur Nuclear Blast. La semaine prochaine, réanimation, ça donne très très bien parce que ça tombe le 1er avril. Et le 1er avril, on a le droit de faire des choses qu'on ne fait pas habituellement. Et je vous réserve quelques petites surprises qui, pour certains d'entre vous, vous y comprendrez absolument rien. J'ai mieux vous le dire, il va y avoir des choses très vieilles qui vont être remises en avant-scène et des choses plutôt, je dirais, ma foi, un peu déconnectées par moment. Mais vous le verrez bien mardi prochain. Moi, je vais trouver ça très drôle, en tout cas. Côté musical, j'ai découvert quelques trucs au courant de la semaine dernière qui ont été par moments excellents et par moments bons. Formation grecque qui porte le nom de Bionic Origin. C'est leur première sortie officielle EP qui s'appelle Bionic State, qui est paru sous forme indépendante. Ils sont qualifiés comme Death Thrash Metal, mais dans les faits, c'est dur de leur coller une étiquette parce qu'il y a beaucoup de... Il y a beaucoup d'influence, je dirais, au niveau du heavy traditionnel. C'est pas mauvais. J'ai donné une cote de 6.5 sur 10. Par contre, moi, j'ai un grave problème avec les sons de percussion, les drum kits qui sonnent mal, spécialement le snare drums. Celui-là m'agace énormément. Il sonne très tac, tac, tac. J'ai vraiment ça, honnêtement. Donc ça m'achale beaucoup. Puis le vocal à longue est un petit peu fatigant. Mais c'est pas mauvais. Mais ils ont une belle pochette. Par contre, je dois dire que la présentation graphique est assez bonne. Ça peut être à découvrir, honnêtement. Faut pas en vouloir, ce n'est pas ça, là. Puis faut pas s'attendre à ce que j'en passe vraiment non plus. Mais ça peut être intéressant de le découvrir. Formation que j'ai quand même, je dirais, vraiment aimé, qui m'a vraiment surpris, c'est la formation italienne Deathrage, qui vient de sortir leur dernier album qui s'intitule Are You Kidding Me? No, qui est sur l'étiquette Metal Blade Records. Ce qu'il faut savoir avec Deathrage, c'est qu'il faut avoir une ouverture d'esprit assez large, parce que on y retrouve plusieurs influences et genres musicales sous une seule bannière. On retrouve à l'occasion des sections plus death metal, des sections qui sont quasiment jazz, des sections qui sont plus heavy metal, des sections plus trash, des sections qui sont plus techniques. Un vocal qui alterne entre le growl à l'occasion et une voix beaucoup plus claire, clean voice, si vous voulez, qui peuvent parfois rappeler quelque peu Faith No More. Moi, j'ai trouvé ça très éclaté. J'ai trouvé ça très rafraîchissant comme style musical. Et c'est pas leur premier album. Ils en sont peut-être au quatrième ou cinquième. Là, je vérifie. Mais quoi qu'il en soit, j'ai trouvé que c'était très différent. C'est très différent. Moi, ça m'a bien plu. J'ai donné un 8 sur 10 à cet album Are You Kidding Me? No, de The Strange. Le qualificatif qu'ils ont, c'est Progressive Technical Death Metal, mais je rajouterais en plus Jazzy Metal, Trash Metal, Death Metal, je dirais à la rigueur des fois, peut-être même Groove Metal. C'est une pochette aussi, une présentation qui est graphique, est assez intéressante. Je trouve le concept du graphisme intéressant. Et c'est sur l'étiquette Metal Blade. Et je pense que Metal Blade a fait un bon choix soit en conservant ou je pense qu'ils avaient déjà signé cette formation-là. C'est pas leur premier album sous la bannière Metal Blade. Je pense que c'est une sage décision parce que c'est assez. En fait, vous allez vous en faire une idée la semaine prochaine parce que je vais en présenter trois pièces. Je présenterai trois pièces de Destroyed la semaine prochaine pour vous donner une bonne idée. Entre-temps, vous pouvez aller faire vos propres fouilles et puis aller écouter ce qui se passe avec ça. Mais je pense que ça vaut vraiment la peine de découvrir cette formation-là. Ne serait-ce que par la différence. Je vous parlerai aussi la semaine prochaine d'une formation dont j'ai pas eu le temps d'écouter l'album. Formation death metal allemande qui porte le nom de Lay Down Rotten. Et l'album s'appelle Death Spell Catharsis. C'est sur Apostasy Records. Ça, je vais pouvoir vous en parler plus la semaine prochaine parce que je n'ai pas eu le temps d'en faire l'écoute. Côté cinéma maintenant, il y a eu des trucs assez intéressants et d'autres moyennement. Je vous rappelle par contre que le 17 avril, bientôt, c'est Transcendance qui sera sur le grand écran, oui, peut-être, bah, si vous le regardez au bord de l'eau, peut-être, sur le grand écran qui met en vedette Johnny Depp. Le 2 mai, c'est le nouveau Spider-Man. Le 16 mai, Godzilla. Je me suis justement tapé hier soir un film de Godzilla des années 2000. J'ai trouvé ça bien intéressant et bien drôle. Les previews de ce nouveau Godzilla-là, sont assez prometteurs. Faut aimer le genre, bien sûr. Le 30 mai, The Maleficent, qui se veut un remake de l'histoire du conte de La Belle au bois dormant. Cette fois-ci, un peu plus evil, mettant en vedette Angelina Jolie. Le 6 juin, Edge of Tomorrow, un autre film de science-fiction mettant en vedette Tom Cruise. J'espère qu'il est meilleur que le dernier, parce que c'était un peu poche. Et le 11 juillet, c'est dans The Planet of the Apes. C'est la suite du premier qu'on a eu il y a 2 ans, qui avait été très, très bien. J'ai écouté 47 Ronin, 47 Ronin, qui est un film de Carl Rynch, qui met en vedette Keanu Reeves, entre autres. C'est un film fantasy épique. Et j'ai trouvé ça quand même assez divertissant. Je lui donnais un 7.5 sur 10. Ça parle, bien sûr, ça se passe à l'époque des samouraïs, bien entendu, dans le Japon, qui est divisé entre les clans. Et Keanu Reeves joue le rôle d'un un enfant qui a été recueilli, qui est de sang mêlé. Il est même pris pour un démon initialement. Mais on découvre avec le temps qu'il provient d'une forme de... Comment je pourrais dire? De non pas de secte, mais... de créatures particulières avec des pouvoirs assez particuliers aussi, qui lui ont enseigné l'art de tuer, mais lui s'est enfui de là et il, malgré lui, se reprit dans une forme de guerre ou d'affrontement, si on veut, entre deux clans, dont un est un vrai véritable despote et qui a déshonoré la maison de son maître, celui qui l'avait adopté. C'est bien. C'est assez distrayant, je dois dire. Ça allie le côté action, des combats, des chorégraphies qui sont d'arts martiaux. Assez bien fait, je dois dire. Keanu Reeves, c'est pas un acteur que je préfère généralement. En fait, j'en fais passer beaucoup d'autres avant lui. Mais je dois dire qu'il se débrouille très bien dans ce rôle-là. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on amène des côtés plus fantastiques avec des créatures légendaires, et ainsi de suite. Il y a des ogres là-dedans, des dragons, et ainsi de suite. Et c'est bien fait. Je dois dire que c'est assez bien fait. C'est intéressant. 47 Ronin, si vous aimez le genre, là, vous pourriez passer du bon temps à l'écouter. J'ai écouté une comédie, oui, parce que ça m'inspirait seulement de par ce que j'avais pu en lire. Ça s'appelle Last Vegas. Ça met en vedette Michael Douglas, Robert De Niro et Morgan Freeman, principalement. Et je croyais que c'était pour être une espèce de remake, si on veut, des comédies des années 60 que j'aime beaucoup, avec l'époque des Dean Martin et compagnie. Pas vraiment, non. C'est finalement, c'est moyen. Il y a quelques bons gags qui tournent autour de d'amis d'enfance qui sont tous rangés, sauf un, Michael Douglas, qui, à l'âge vénérable de 70 ans, décide de se marier. En fait, c'est pas son rôle de composition, là. Mais il réunit ses anciens camarades pour faire une enterrement de vie garçon à Las Vegas. Bon, c'est moyen. J'ai donné un 6.5 sur 10. Je m'attendais beaucoup plus que ça, surtout qu'il y a des gros canons au niveau des acteurs dans cette production-là. Puis, c'est pas à la hauteur de ce que j'attendais. Donc, si vous avez vraiment rien à faire, vous pourrez peut-être rire à l'occasion, mais c'est pas garanti que vous allez apprécier. Film que j'ai trouvé somme toute aussi moyen est le film Reasonable Doubt, qui est un film, un trailer caractère criminel avec Samuel L. Jackson et Dominic Cooper. C'est un film de Peter Hawitt. C'est en DVD Blu-ray. L'idée de base est bien. C'est un procureur qui, un soir de virée, a promis à sa femme et à ses amis de ne pas conduire parce qu'il est pas en état de le faire, et qui dans un quartier où ce qu'il trouve pas de taxi, puis il se rend compte qu'il est près de son véhicule luxueux bien entendu, qui semble avoir des gens qui tentent à le voler, donc il les fait fuir, il se dit bon ben là j'ai pas le choix, je vais partir avec, je vais me faire voler, et puis il frappe quelqu'un involontairement dans une ruelle, mais décide d'appeler les secours, l'ambulance, mais il ne veut pas rester sur place, évidemment, parce qu'il est en état d'ébriété. Et finalement, ben, il y a quelqu'un qui est soupçonné d'avoir commis certains crimes de façon, je dirais, méthodique. Et il fait passer, finalement, son méfait sur le dos de cette personne-là, qui est Samuel L. Jackson. Et puis, la situation vire de bout pour bout, évidemment. Et puis, c'est lui qui se retrouve avec des gros problèmes sur le dos. Et il ne veut pas avouer rien à personne. Bon, l'idée de base était intéressante, mais c'était un petit peu mal exploité. Ce qui fait que le film reste fade. Et surtout, je connaissais pas vraiment Dominic Cooper. Mais je pense que lui a quand même damé le pion à Samuel L. Jackson, qui normalement donne bien dans les rôles de ripoux. Ici, il est un peu fade. On lui donne peut-être pas la chance d'exploiter son rôle, mais on n'a pas l'impression que ça lui tentait vraiment de le faire non plus. Donc, c'est moyen. 6.5 sur 10. C'est divertissant, mais faut pas s'attendre à voir plus que ça de ce film-là, qui est Reasonable Doubt. Les films que je recommande de revoir ou de découvrir cette semaine, c'est le film House de 1986, qui est un film d'horreur à forte tendance comédie par moment, et qui est un film de Steve Manor, qui met en vedette William Catt et Kellens. C'est vraiment bien comme film. Je donne encore un 8 sur 10 parce que c'est un peu, je dirais, naïf par moment, bien sûr, parce qu'il a coulé de l'eau sous le pont depuis 1986. Les présentations ne sont plus les mêmes. Mais il reste que House, c'est bon. C'est bon, c'est très distrayant. C'est un film d'horreur, typiquement d'horreur, avec des visions de cauchemars, et ainsi de suite. Mais il y a un soupçon de comédie là-dedans. Il y a des morts vivants. Tout se passe autour d'une maison qui est hantée, possédée, et dont un jeune écrivain, pour se ressourcer, a hérité de cette maison-là. Il veut s'installer seul et se réclure pour être capable de pondre son scénario. Mais il est tenté constamment par des visions de lorsqu'il était au Vietnam. Et effectivement, il avait dû abandonner un de ses camarades au Vietnam qui était mourant pour sauver sa peau. Et c'est cette personne-là qui revient lui faire vivre toutes sortes de choses qui sont plus ou moins agréables. Donc, il y a eu une saga de House. Il y a eu House, House 2 et House 3. Moi, je me suis arrêté à House 2 parce que le 3 est pas vraiment bon. Mais le premier, il est vraiment bon. Je vous le conseille. C'est 1h30, 1h35, je pense, là, de bon temps de cinéma. 20h27, nous allons continuer musicalement. parce que je l'avais dit. Vous aurez du death metal. Nous allons l'avoir à l'instant. On va entendre du Behemoth tiré du dernier album de Sataniste. On va entendre du Origin. Mais tout de suite, allons-y avec la formation Made in UK. Benediction, Easy Way to Die. Go!

Decapitated. Et la pièce Carnivals Forever, pièce titre de cet album qui est paru en 2011. Dernière parution de cette formation polonaise. Excellent album. Vraiment un très bon album. Juste auparavant, nous avions Origin et la pièce Stirring from the Abyss que l'on retrouve sur l'album Echoes of Decimation qui est paru en 2005 sur Relapse. Hammond et la pièce Semblance of Man tirée du pratiquement le seul album de cette formation américaine, l'album étant Lie in Wait. En fait, ce qu'il faut savoir, qui est paru en 2012, sous forme indépendante, ce qu'il faut savoir avec Hammond, c'est qu'ils ont existé de 87 à 89, entre autres, et c'était Decide, avant qu'ils deviennent Decide, avec Glenn Benton, de 89 à aujourd'hui, ils sont sous le nom de Decide, bien entendu. Et en 2007, les frères Brian et Eric Hoffman, originalement de Decide, ont décidé de remettre Hammond actif. Et c'est ce premier album que vous avez, qu'on a exploré tout au long des dernières années. C'était Sinistros à l'époque qui avait ramené cette formation-là. Et je dois dire que ça me plaît bien. Et on avait en début de bloc une pseudo-ballade death metal, ça fait assez différent. Benediction et la pièce Easy Way to Die qu'on retrouve sur Organized Chaos, qui est paru en 2001 sur Nuclear Blast. Le vendredi 4 avril à 19h, BCI présente Cataclysm en compagnie de Aborted, Blinded by Fate, Mass Murder Messiah et Diabolico, voilà. C'est pour tous au Club Soda à 19h, en coûtera 20 et 25 $, taxes incluses puis assistées via billetterie du Club Soda. Le Cybele Magazine Tour présente Carcass, Black Dahlia Murder, Gorgas et Noisem, mercredi 9 avril. Dès 19h au Métropolis, c'est pour tous au coût de 30 et 43 et 34,78 plus taxes via Ticketmaster. Destruction, Chrysion et Ex-Mortus le lundi 14 avril à 20h au Fofunes Électriques au coût de 21 et 26 taxes incluses via admission. Et Pagan Fest America Part 4 présente Carpic Lani, Tourissas, Tonic, Vague et Winter Hymn, vais-je le dire. Le mercredi 30 avril, c'est ça. Mercredi 30 avril, bon, putain de bordel, à 18h30, c'est pour tous au Métropolis. Les billets sont disponibles sur Ticketmaster au coût de 30 et 43 et 34,78 plus taxes. La semaine prochaine, c'est une émission un peu bizarre pour le 1er avril, donc on va bien rigoler. En fait, moi, je vais bien rigoler. Vous autres, je l'espère aussi. Si c'est pas le cas, c'est pas plus grave que ça. Moi, je chanterai rien. On va se quitter sur une dernière pièce. Une pièce de Behemoth tirée du dernier album et Sataniste paru il y a peu de temps sur Nuclear Blast. La pièce étant Ben Sahar. Donc, à la semaine prochaine. Et d'ici là, je vous dis simplement, allez tous vous faire foutre. Go.